Les essais de Montaigne. Traduction en français moderne du texte de l'édition de 1595 par Guy de Pernon, avec la très aimable autorisation de M. de Pernon. Préface sur les essais de Michel, seigneur de Montaigne, par sa fille d'alliance. Marie de Gournay, note. Fille d'alliance est l'expression qui figure dans le chapitre 17, paragraphe 69 du livre 2. Dans un passage que certains prêtent à Marie de Gournay elle-même. Le découpage en paragraphes et les intertitres sont le fait du traducteur. Fin de note. Si vous demandez à quelqu'un qui est César, il vous répondra que c'est un grand général. Si vous le lui montrez sans le nommer, tel qu'il fut réellement, avec ce qui a fait sa singularité, sa fierté, son ardeur au travail, sa vigilance, sa persévérance, son goût de l'ordre, son art de gérer le temps, et celui de se faire aimer et craindre, son caractère résolu, ses décisions avisées devant les événements inattendus et soudains. Si, dis-je, après lui avoir fait admirer tout cela, vous lui demandez de quel homme il s'agit, il vous le donnera volontiers pour l'un des fuyards de la bataille de Pharsale. C'est que pour juger un grand général, il faut l'être soi-même, ou être capable de le devenir par le travail et l'étude. Et c'est peine perdue pour un athlète que de montrer la force et la vigueur de ses membres à un cheval pour lui faire croire qu'il remportera la victoire à la lutte, puisque celui-ci est incapable de sentir si c'est par les cheveux qu'il faut s'y prendre. Demandez encore à cet homme ce qu'il pense de Platon. Il vous fera entendre les louanges qu'on adresse à un divin philosophe. Mais si vous lui mettez entre les mains le symposium ou l'apologie de Socrate, il s'en servira pour emballer sa vaisselle. Et s'il entre dans la galerie d'appel, il en sortira avec un tableau, mais ce n'est que le nom du peintre qu'il aura acheté. Ces considérations m'ont toujours fait douter de la valeur des livres et des esprits que la foule admirait. Et je ne parle pas des anciens, de qui nous entretenons la réputation, non de notre fait, mais par l'autorité des beaux esprits qui les ont reconnus avant nous. C'est que la réussite et l'intelligence habitent rarement la même maison. Et je remarque aussi que celui qui se fait tant d'admirateurs ne peut être vraiment grand, puisque, pour avoir beaucoup de juges, il faut qu'il y ait beaucoup de gens semblables à lui, ou au moins ressemblants. Le commun des mortels est une foule d'aveugles. Quiconque se vante de son approbation se vante d'être admiré par des gens qui ne le voient même pas. C'est au fond une sorte d'injure que d'être adulé par ceux à qui vous ne voudriez pas ressembler. Qu'est-ce donc que l'opinion commune, ce que nulle personne sensée ne voudrait dire, ni croire? L'intelligence, le contre-pied de l'opinion commune. Et pour bien vivre, il faut certainement fuir aussi bien l'exemple et le goût de l'époque que suivre la philosophie et la théologie. Il ne faut entrer chez le peuple que pour le plaisir d'en sortir. Et la vulgarité s'étend au point qu'il y a dans la société moins de gens distingués que de princes. Tu devines déjà, lecteur, que je veux me plaindre de l'accueil bien froid qui fut fait aux essais. Et tu penses peut-être avoir à me reprocher mon acrimonie, dans la mesure où leur auteur lui-même dit que l'approbation publique l'encouragea à développer son livre. Certes, si nous étions de ceux qui croient que la plus insigne des vertus est de se méconnaître soi-même, je dirais qu'il a pensé, pour se faire réputation d'humilité, que la renommée de ce livre suffisait à son mérite. Mais il n'est rien que nous ne haïssions comme cette antique Lamia, aveugle chez elle et clairvoyante ailleurs. Et comme nous savons que celui qui ne se connaît pas bien ne peut bien se faire valoir, je te dirai, lecteur, que cette faveur publique dont il parle n'est pas celle qu'il pensait qu'on lui devait. Il pensait qu'une toute autre, plus complète et plus parfaite, lui était due, mais pensait d'autant moins l'obtenir. Je rends grâce à la Providence que ce soit une main aussi digne et aussi fameuse que celle de Juste Lipsey, qui ait ouvert aux essais la voie vers les louanges. Et si c'est lui qu'elle a choisi pour en parler le premier, c'est qu'elle a voulu lui donner des prérogatives et nous avertir que nous devons l'écouter comme notre maître. On était prêt de me donner de l'hellebore parce que les essais qui m'étaient tombés fortuitement entre les mains au sortir de l'enfance me remplissaient d'admiration si je ne m'étais prévalu de l'éloge que Lipps leur avait rendu quelques années auparavant. J'ai appris cela quand j'ai rencontré, après avoir dû attendre 2 ans, l'auteur des essais lui-même, que je me fais gloire d'appeler père et qui m'accorda son entière sollicitude, comme il le fit pour d'autres qui en furent aussi très impressionnés. Voici donc le livre de Plantin, dit Lipps, dans l'épître 43, centurie 1, que je recommande sérieusement comme le Thalès des Gaules, etc., et plus loin. On voit bien que la sagesse n'a pas élu domicile chez nous, avec en marge, en voici la preuve, le livre de sagesse de Michel de Montaigne. Dans l'épître 45, centurie 2, il se dit à lui-même « Nous ne nous flattons pas, je t'estime autant que tu t'es décrit par tes paroles. Je te place parmi les 7 sages, et même au-dessus d'eux. » C'est vraiment parlé, Lipps, et les essais étaient certes également capables et de t'impartir et de mériter cet honneur extrême. C'est d'un de telles âmes que l'on doit souhaiter ressembler et dont il faut s'efforcer d'obtenir les louanges. Quel malheur que je ne puisse, lecteur, te montrer les lettres que le sieur d'Ossa lui écrivit sur le même sujet. Pour ceux qui ne le sauraient pas, il faut dire que dans toute l'Italie où il résidait, ce Gascon était le personnage le plus aimé et le plus estimé de mon père. Et je ne puis dire autrement que père, lecteur, car je ne suis moi-même qu'en étant sa fille. C'était la diligente recherche de Madame de Montaigne qui me les envoya pour les publier que l'on doit la découverte de ses derniers écrits parmi les papiers du défunt. Tout son entourage peut témoigner de ce qu'elle a fait preuve d'un amour conjugal sans pareil pour la mémoire de son mari, en n'épargnant ni sa peine ni sa dépense. Mais je peux témoigner en vérité, pour ce qui est de ce livre, que son maître lui-même n'en prit jamais autant de soin qu'elle, ce qui est d'autant plus louable qu'à ce moment-là, la langueur, les pleurs et les douleurs de sa perte eussent pu à juste titre et fort décemment l'en dispenser. Dirons-nous de ses larmes qu'elles étaient insupportables ou désirables? Si Dieu lui a réservé le plus douloureux des veuvages, il lui a aussi assigné du même coup le titre le plus honorable qui soit pour une femme. Il n'est aucune femme de mérite et de valeur qui n'eût préféré avoir ce mari-là pour époux qu'aucun autre, quel qu'il fût. C'est un avantage glorieux et inestimable que ce dont Dieu l'a estimé digne puisse encore s'acquérir au prix de la félicité. Chacun lui doit, sinon autant de grâce, du moins autant de louanges que je lui en décerne, car j'ai voulu étreindre encore et réchauffer en moi les cendres de son mari, non pas l'épouser, mais devenir une autre lui-même, et ressusciter en elle, quand il mourut, une affection qu'elle ne connaissait que par oui dire, et par là lui restituer peut-être une nouvelle image par la continuation de l'amitié qu'il me portait. Les essais comme révélateurs. Les essais m'ont toujours servi de pierre de touche pour les esprits. Je demandais à quantité de gens de me dire ce que je devais en penser, pour me faire une idée, selon l'opinion plus ou moins bonne qu'ils en avaient, de l'opinion que je devais avoir de même. Le jugement est l'affaire de tous, mais les hommes s'y appliquent de la façon la plus diverse, et le présent le plus rare que Dieu leur fasse, c'est d'en avoir un très sûr. Toutes les qualités, même les plus essentielles, ne leur servent à rien si celui-là ne leur est accordé, et la vertu elle-même en dépend. C'est le jugement seul qui élève les humains au-dessus des bêtes, Socrate au-dessus d'eux, et Dieu au-dessus de lui. C'est le jugement, et lui seul, qui nous met en rapport avec Dieu. On l'adore ou on l'ignore. Voulez-vous avoir le plaisir de voir échauder les censeurs des essais? Parlez-leur des livres anciens. Il ne s'agit pas de leur demander si Plutarque et Sénèque sont de grands auteurs. Sur ce point, la réputation fait leur opinion. Mais demandez-leur en quoi ils sont les plus grands. Pour le jugement? Pour l'esprit? Qui est le plus catégorique sur tel ou tel point? Quel était leur but en écrivant? Quelle est la plus noble des finalités pour l'écriture? Quelle est celle de leurs œuvres qu'ils pourraient sans dommage oublier? Laquelle devraient-ils au contraire défendre avant toutes les autres? Et pourquoi? Faites-leur ensuite examiner une comparaison de l'utilité de leur doctrine et de celle des autres écrivains. Et finalement, demandez-leur de faire le tri de ceux à qui ils aimeraient le mieux ressembler et de ceux avec lesquels ils ne voudraient pas être confondus. Celui qui saura répondre à tout cela avec pertinence, je l'autorise à me faire changer d'avis à propos des essais. du mépris envers les femmes. Tu as bien de la chance, lecteur, si tu n'es pas d'un sexe privé de tout, non seulement de la liberté, mais aussi de toutes les vertus, puisqu'elles ne peuvent naître que d'un usage modéré du pouvoir de décision, et que ce pouvoir lui est ôté. Ainsi, la seule vertu et le seul bonheur qui lui sont concédés sont-ils l'ignorance et la souffrance. Bienheureux celui qui peut être sage sans crime, c'est que son sexe lui permet tout, et d'être cru, ou pour le moins, écouté. Pour moi, si je veux soumettre mes gens à cet examen, il y a des cordes, dit-on, que les doigts féminins ne peuvent toucher. Ou alors, il me faut reprendre les arguments de Carnéade. Même le plus timoré ne manque pas d'obtenir l'approbation de l'assistance quand il ajoute un sourire, un hochement de tête ou quelques plaisanteries, après avoir dit « c'est une femme qui parle ». Celui qui se taira par mépris fera l'admiration de tous par sa profondeur d'esprit, alors qu'il emporterait l'adhésion de toute autre façon si on l'obligeait à mettre un peu par écrit ce qu'il eût répondu aux propositions et répliques de cette femelle, eût-elle été mâle. Un autre, que sa faiblesse aura fait s'arrêter à mi-chemin, sous prétexte de ne pas vouloir importuner son adversaire, sera déclaré victorieux et courtois. Celui-là, qui ne dit que des sottises, l'emportera pourtant, parce qu'il porte barbe. Celui-ci ne ressent pas le coup porté, parce qu'il ne peut pas le ressentir, venant d'une femme. Cet autre, qui le ressent, traite ce discours en dérision, ou le noie sous un bavardage incessant, sans se soucier de répondre. Ou encore, il le détourne, et se met à proférer plaisamment un tas de belles choses qu'on ne lui demandait pas. Et celui-ci, qui sait combien il est aisé de tirer parti des oreilles de l'assistance, mais qui n'est que très rarement capable de juger de l'ordre et de la conduite du débat et de la force des combattants, et qui ne peut s'empêcher d'être ébloui par la vaine science qu'il profère, comme s'il s'agissait de répéter une leçon apprise et non pas de répondre, comment pourrait-il s'apercevoir quand ses galanteries sont une fuite ou une preuve de victoire ? Cet autre, enfin, faisant le brave devant une femme, fera croire à sa grand-mère qu'il ne laisse vivre Hercule que par pitié pour lui. Bien heureux que pour remporter le prix, il n'ait qu'à fuir les coups, et remporte d'autant plus de gloire qu'il s'épargne de peine. S'il fait le brave, dis-je, c'est devant une femme, peu clairvoyante, et affligée en outre d'un esprit lent, de peu d'imagination, et d'une mémoire bien faible. Trois raisons qui, devant un adversaire qu'elle voudrait retenir à force d'arguments, la disqualifient et la renvoient à la modestie de sa condition et à la contenance la plus ridiculement plate qui soit. Je voue une haine si terrible à cette imperfection qui le blesse tant qu'il faut que je l'injurie en public. Je pardonne à ceux qui s'en moquent. Ils ne sont pas obligés d'être aussi habiles qu'Aristide ou Xénophon pour pouvoir discerner, sous un visage qui rougit, autre chose que de la sottise ou de la soumission. Et je leur pardonne aussi de penser que des confessions comme celle-ci relèvent de la folie. Il est bien vrai qu'elles sont communes aux fous et aux sages, mais aux sages d'une telle qualité que je ne puis atteindre leur niveau. La langue des essais. Pour en revenir à nos essais et aux reproches qu'on leur fait, je ne vais pas en diminuer les mérites pour donner raison à leurs calomniateurs. Mais je veux dire un mot en direction de quelques esprits qui méritent bien qu'on les avertisse, pour leur éviter de trébucher avec les autres. Premièrement, ils reprochent au langage certains latinismes et la création de mots nouveaux. Je leur donne raison. S'ils peuvent dire « père, mère, frère ou sœur, boire, manger, veiller, dormir, aller, voir, sentir, ouïr, toucher », et tout le reste en somme des plus communs vocables de notre usage courant, sans parler latin. Le besoin d'exprimer nos conceptions nous oblige à utiliser cela. C'est pour la même raison que l'auteur des essais a dû en employer d'autres pour exprimer ses conceptions, car celles-ci vont bien au-delà des nôtres. Je sais bien qu'on a traduit en notre langue les meilleurs livres et que leurs traducteurs se sont montrés plus réticents dans l'innovation et les emprunts. Mais ce que l'on ne dit pas, c'est que les essais resserrent en une seule ligne ce que les autres étirent sur quatre. Ni que nous ne sommes pas assez savants, ni moi, ni ceux qui tiennent ces propos, pour pouvoir dire si leurs traductions sont partout aussi denses que l'était le texte de l'auteur. J'aime à dire « gladiateur », j'aime à dire « escrimeur à outrance, il en est de même dans les essais. Mais si je devais choisir, je pencherais pour Gladiateur, à cause de sa brièveté. Je sais bien qu'il faut se limiter dans les innovations et les emprunts, mais n'est-ce pas une grande sottise de dire qu'on défend seulement d'y recourir sans règle, et que c'est pour cela que les essais sont condamnables, alors qu'on ne trouve rien à redire au roman de la Rose ? Et pourtant, à son époque, il n'était pas plus nécessaire qu'à la nôtre de le corriger, car avant ce livre ancien, on parlait, on se faisait entendre autant qu'on le voulait. Où la force d'esprit manque, les mots ne manquent jamais. Et à l'inverse, je me demande si, malgré la remarquable fécondité de la langue grecque, Platon et Socrate n'en ont pas souvent manqué. On ne peut représenter que les conceptions communes avec les mots courants. Qui en a d'extraordinaire doit chercher les termes dont il a besoin pour s'exprimer. Du reste, c'est l'innovation impropre qu'il faut blâmer, et non l'innovation qui permet de mieux rendre les choses. Ils sont ridicules, ceux qui attribuent exclusivement l'innovation à l'idiome français. Échine et Calvin l'eussent condamné dans leur propre langue. Sans compter que ce qui est une imperfection pour celui-là est au contraire une perfection pour ceux-ci, et que cela rend la compréhension aux uns facile et aux autres impossible. C'est faire comme le singe qui s'enfuirait à toute vitesse, de peur qu'on le prît par la queue, parce qu'il aurait entendu dire qu'un renard avait été happé par là. Ne sont-ils pas aussi peu fondés, je vous le demande, ceux qui se plaisent à relever 8 ou 10 mots qui leur semblent étrangers, ou quelque manière de parler gasconne dans cet ouvrage admirable partout ailleurs? En matière de langage, ils font comme celui qui, contemplant à loisir Vénus toute nue, ne montra pas son admiration et ne dit mot jusqu'au moment où il aperçut un fil coloré, peut-être sur sa ceinture, qui lui donna envie de parler pour s'en plaindre. Quand je le défends contre de telles attaques, je ne fais que me moquer. Demandons plutôt à ses détracteurs, pour mieux lui reprocher ses erreurs, de le contrefaire, qu'ils nous forgent 100 vocables à leur guise, pourvu que l'un d'entre eux en fournisse 3 ou 4 ordinaires avec des voyelles perçantes là où les autres assurent seulement la liaison, qu'il nous propose 1000 nouvelles phrases qui disent en une demi-ligne le sujet, le résultat et la louange de quelque chose, très belle, délicate, vive et vivifiante, qu'il nous fournisse encore 1000 métaphores aussi admirables et inouïes, 1000 emplois de mots renforcés et approfondis pour 1000 divers et nouveaux sens. Car voilà l'innovation que je trouve dans les essais, et qui, si c'est par la grâce de Dieu celle que l'on craint, n'est pas du moins celle qu'on imite. Et qu'il fasse tout cela, dis-je, sans qu'un lecteur puisse rien y reprendre que sa nouveauté, mais une nouveauté bien française. Alors nous leur permettrons de nous attribuer leurs écrits, afin de les décharger de la honte qu'ils encouraient à emporter le titre d'auteur. Or, plus est admirable l'entreprise de cultiver comme il faut une langue, plus est restreint du même coup le nombre de gens qui en sont capables, comme dit mon père. C'est à quelques jeunes courtisans, sans parler de tant d'écrivains, qu'il faudrait donner de l'argent pour qu'ils cessent de s'en mêler, car ils ne cherchent pas à innover pour améliorer, mais à faire pis pour innover, et qui plus est, en condamnant les vieux vocables, ceux qui sont ou les meilleurs, ou, s'ils sont simplement égaux, doivent encore être préférés dans l'usage. Et d'ailleurs, on ne peut les rejeter qu'au détriment de l'apprentissage de notre langue par les étrangers, qui, pas plus que Protée, ne parviendront à la maîtriser, et cela ne ferait que ruiner les livres qui les ont employés. Ils ont beau faire, on se moquera de notre sottise à nous autres, quand nous dirons son lever, son col, la servitude, au lieu de leurs nouveaux termes, son habillé, son cou, son esclavitude, et semblables importantes corrections. Mais quand ils en viendront, avec le temps, à réprouver Amiot ou Ronsard sur ces mots-là, qu'ils s'attendent à se voir désarçonnés. Pour décrire le langage des essais, il faut le transcrire. Il n'ennuie jamais le lecteur que quand il cesse, et tout y est parfait, sauf la fin. Les dieux et les déesses ont donné leur langue à ce livre, ou bien c'est qu'ils parlent désormais la sienne. C'est le clou qui fixera la volubilité de notre idiome, jusqu'ici laissé libre. sa réputation s'élèvera jour après jour jusqu'au ciel, empêchant que de temps en temps on trouve suranné ce que nous disons aujourd'hui, parce qu'il continuera, lui, de dire cela, et que du coup on trouvera cela bien, parce que c'est en lui.